faites une backing. Ok. Ok. We'll be right back. Thank you. Une basse dans un truc de guitare électrique. Je me suis trompé de preset. Je me suis trompé de preset. Comment on fait? Comment on fait pour la basse? Presets de basse à la fin. Ah, basse, ah, ouais, d'accord, j'ai trouvé. Ah, pas mal celui-là. Je ne charge pas la batterie.